طيب إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on arrive au sujet où le chef le titre c'est نسبة النعم إلى غير الله. نسبة النعم إلى غير الله, c'est-à-dire attribuer des bénédictions et des miséricordes à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit سبق الكلام عن حكم نسبة المطر إلى الأنواع والاستسقاء بها والكلام الآن في حكم نسبة النعم عموما إلى غير الله. Donc le cheikh dit nous avons précédemment parlé au sujet d'attribuer la pluie aux étoiles et de chercher de la pluie des étoiles, et on a parlé, et aujourd'hui on va parler, ou maintenant on va parler du jugement ou du verdict concernant l'attribution des miséricordes ou des bienfaits à autre que Allah en général. C'est-à-dire, on nous attribue n'importe quelle miséricorde ou bienfait à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh dit, Al-An, inna l'i'tiraf bi fadlillahi wa in'amihi wa al-qiyam bi shukrihi wa min samim al-aqidah. لأن من نسب النعمة إلى غير موليها إلى غير موليها هو الله وهو الله سبحانه فقد كفرها وأشرك بالله بنسبتها إلى غيره. قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال بعض المفسرين يعرفون أن النعم من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك, ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوها عن آبائهم. وبعضهم يقول لولا فلان لم يكن كذا وكذا, وبعضهم يقول هذا بشفاعة آلهتنا. Donc le cheikh il dit le fait de reconnaître les miséricordes et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de remercier Allah pour ses bienfaits, pour ses miséricordes, et bien ça fait partie de la base yani, du cœur de cette aqidah, le sens de cette aqidah. Et yani, pourquoi? Parce que celui qui attribue une miséricorde à autre que celui qui lui a donné, ou un bienfait, celui qui attribue un bienfait à autre, à autre que celui qui a donné, et dans ce cas c'est Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est comme s'il a renié ce bienfait, comme s'il l'a renié, et il a attribué un partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala en lui attribuant ou en attribuant cette miséricorde à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kif al-hal Hamza? Comment ça va mon frère? Alhamdulillah rabbil alameen. Imam. Et après, le chef, il mentionne une ayah dans laquelle il dit, ils reconnaissent la miséricorde d'Allah, mais par la suite, ils la rejettent ou ils la nient. Et la plupart d'entre eux sont des ingrats. Donc, le chef, il dit, certains des mufassirines, des gens qui ont expliqué le Coran, ils disent, ils reconnaissent que les miséricordes viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils reconnaissent que Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui leur a donné ses miséricordes. Par contre, ils le nient. Ils le renient. Et ils disent ou ils prétendent que ces miséricordes-là leur viennent d'un héritage de leur père. Ou certains d'entre eux vont dire par exemple, si ce n'était que de celui-là, par exemple, pour vous donner un exemple, si c'était pas de telle ou telle personne, j'aurais jamais réussi cette chose, par exemple. Au lieu de dire c'est par la miséricorde d'Allah que je l'ai eu, ils vont dire ah, si c'était pas de telle personne ou de si c'était pas de le professeur ou si c'était pas de cet individu, j'allais pas réussir. Donc c'est comme s'ils attribuent cette ni'ma à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il dit certains d'entre eux, ils vont dire ça, c'est par l'intermédiaire de nos idoles, de nos idoles, ou de nos divinités qu'on a réussi à avoir telle chose. Donc, ils attribuent une miséricorde à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh ensuite il dit وهكذا كل من ينسب النعمة إلى من يعظمه من الآباء والآلهة والأشخاص متناسين مصدرها متناسين مصدرها الصحيح والمنعم بها على الحقيقة وهو الله سبحانه وتعالى. Donc c'est comme par exemple si quelqu'un vous donne un cadeau et vous au lieu d'aller le remercier et vous dire merci à la personne qui vous a donné le cadeau, et là vous allez à une autre personne et puis vous lui dites merci à sa place. Hein? C'est comme si dans ce cas-là, si quelqu'un fait ça, c'est certain que c'est une forme d'ingratitude envers la personne qui a donné le cadeau ou qui a fait la bonne action envers vous ou quelque chose de ce genre. Donc c'est la même chose pour la personne qui renie ou qui refuse de remercier Allah subhanahu wa ta'ala ou qui attribue une miséricorde à quelqu'un d'autre au lieu de dire remercier, au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est comme s'il essaie de remercier quelqu'un d'autre. Donc c'est une grande forme d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Après le chef il dit كما أن بعضهم ينسب النعمة ينسب النعمة نعمة السير في البحر والسلام من خطره إلى الريح وحفق الملاح فيقول كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. Donc par exemple il dit ça c'est comme certaines personnes qui attribuent par exemple le voyage en mer et le fait d'être sauvé de ces dangers. Hein, ils attribuent ça au bon vent, ou ils attribuent ça à l'habileté du navigateur. Et ils disent, ah, le vent était bon, et le navigateur était habile, à cause de ça, on a été sauvé. Hein. Le cheikh il dit, ومثله اليوم ما يجري على ألسنة الكثير من نسبة حصول النعم واندفاع النقم إلى مجهود الحكومات أو الأفراد أو تقدم العلم التجريبي. فيقولون مثلا تقدم الطب تقدم الطب تغلب على الأمراض وأقضى عليها والمجهودات الفلانية تقضي على الفقر والجهل وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها ويتحفظ منها غاية التحفظ وأن ينسب النعم إلى الله وحده ويشكره عليها وما يجري على يد بعض المخلوقين أفرادا أو جماعات من المجهودات إنما هي أسباب قد تثمر وقد لا تثمر قد تثمر وقد لا تثمر وهم يشكرون على قدر ما بذلوه ولكن لا يجوز نسبة حصول النتائج إلا إلى الله سبحانه. Donc le cheikh il explique quelque chose d'important, il dit, et c'est par exemple ce qui se produit aujourd'hui, par exemple on entend beaucoup de gens qui attribuent une miséricorde, ou qui attribuent le fait qu'un mal a été rejeté ou éloigné ou enlevé, ils attribuent ça aux efforts de certains gouvernements ou de certains individus, ou à l'avancement de la science expérimentale. Par exemple, ils vont dire l'avancement de la médecine a permis de combattre des maladies et a éliminé ces maladies. Ou ils disent que les efforts de certains individus, par exemple, ont permis d'enrayer la pauvreté et l'ignorance. Et des choses semblables à ça, mais parmi ça fait partie des mots qui sont, ou des vocabulaires utilisés par des gens, mais le cheikh il dit, mais pour le musulman, c'est obligatoire de s'en éloigner et de se protéger complètement de s'éloigner complètement de ces genres de paroles et d'attribuer les miséricordes à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Après, il explique et il dit, c'est lui qu'on doit remercier pour ces choses-là, pour par exemple le fait que l'ignorance et la pauvreté est enrayée, ou le fait que les maladies sont guéries ou éliminées, ou le fait que par exemple la médecine avance, et bien tout ça, c'est des choses qu'on doit attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut attribuer ces choses-là à Allah subhanahu wa ta'ala et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, après le chef, il clarifie aussi après un peu en disant que ce qui se produit, ce qui arrive à cause de certaines créatures ou certains groupes d'individus qui font des efforts pour arriver à ces résultats-là, eh bien, il faut le considérer comme étant un moyen ou quelque chose qui amène, ou une cause qui amène à ces résultats-là. Sauf que, il est possible que ces efforts-là soient productifs et soient positifs et qu'ils arrivent à un résultat positif, mais en même temps aussi, c'est pas garanti. C'est-à-dire, les efforts qu'ils font, ça peut réussir comme ça peut échouer. Et c'est pour ça que il faut toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour le résultat. On les remercie, ces personnes-là, selon la quantité ou selon l'effort qu'ils ont sacrifié pour ce travail. On les remercie pour ça. Mais en même temps, il ne faut pas attribuer le résultat excepté à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, l'être humain, il fait son effort, et on remercie l'être humain pour son effort, sauf que pour le résultat, c'est uniquement Allah qu'on remercie, et c'est à Allah qu'on attribue le résultat seulement, pas aux créatures, parce que le résultat appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme une personne, par exemple, qui fait beaucoup de da'wah, et qui appelle beaucoup les gens à l'islam. D'accord, on le remercie pour, on va dire, mashallah, barakallahu fik, jazakallahu khairan, pour le bien que tu fais, que tu appelles beaucoup de gens à l'islam. Mais si beaucoup de gens se convertissent, ou acceptent l'islam, c'est pas lui qu'on doit remercier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah qui guide. C'est lui qui fait que ces personnes-là ont accepté l'islam. Mais, si. Pourquoi? Parce que, peut-être que quelqu'un peut faire beaucoup de da'wah et il reçoit une réponse très faible, et quelqu'un d'autre va faire une da'wah très peu et il va avoir une grande réponse. Et c'est pour ça que tout ça, c'est Allah qui détermine ces choses-là, c'est Allah qui guide. Et une des preuves de ça, par exemple, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, l'a expliqué que au jugement dernier, il y aura des prophètes qui vont venir. Et parmi eux, ils auront un prophète, il aura juste un ou deux personnes qui l'a suivi. Et d'autres prophètes vont venir, et derrière lui, il n'y aura personne. Hein? Et d'autres prophètes vont venir, et il aura des gens qui vont être derrière lui, et ça va emplir l'horizon. Donc, ça veut dire, même parmi les prophètes, c'est pas tous qui ont eu le même nombre de fidèles, et c'est pas tous parmi eux que les gens ont suivi. Donc, ça nous montre que le résultat, c'est uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, en même temps, ça nous explique encore une des sagesses de da'wah, alaykum salam wa rahmatullah, pour certains musulmans, certains groupes de musulmans, qui concentrent leur effort sur la quantité et sur le nombre. Au lieu de se concentrer sur la vérité et le message auquel ils appellent les gens, et de vérifier que ce à quoi ils appellent les gens est basé sur les bases correctes, et sur le tawhid, et sur le manhaj sahih, la bonne méthodologie ou la bonne compréhension des textes de l'islam, et de suivre le Coran et la Sunna. Ça, c'est plus important que le nombre. Hein? Mais les groupes, par exemple, certains groupes qui ont basé leur da'wah sur une méthodologie politique, et qui essaie de se baser sur des systèmes démocratiques de partis islamiques et pour faire des votes pour attirer les gens. Et ils se basent pas tellement sur, justement, la qualité, mais surtout ils se basent sur la quantité d'adeptes ou la quantité de membres qu'ils ont dans leur groupe. Et à cause de ça, ils font beaucoup de compromis pour essayer de dire si on commence à prêcher l'islam tel quel et tel qu'il doit être prêché, et à interdire ce qui est haram et à permettre ce qui est halal, et à expliquer l'islam réellement tel qu'il est aux gens, eh bien, il se peut qu'on va perdre de nos membres. Donc, pour éviter ça, on va éliminer de notre méthode tout sujet qui pourrait éloigner certains groupes parmi les musulmans ou certaines catégories de personnes qui se disent musulmans. Donc, ils vont jamais parler, par exemple, de sunnah ou de bid'a, ou ils vont jamais parler même de aqidah, parce que selon eux, ça va diviser les musulmans. Et s'ils vont parler de aqidah, ils vont même pas parler de tawhid. Ils vont parler de l'iman en général. C'est-à-dire, ils vont parler de l'iman billah, et de croire que Dieu existe, de croire aux anges, aux livres et tout. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais ils vont pas rentrer dans les détails pour expliquer qu'est-ce qui distingue le shirk du tawhid, qu'est-ce qui distingue la sunna de la bid'ah et des choses de ce genre. Donc ça, c'est juste quelques exemples. Et puis, c'est juste un point, wa alaykum salam wa rahmatullahi en passant. Donc, parmi ces groupes, on peut citer comme exemple le groupe de Ikhwan Muslimin, par exemple, ou le groupe de Jama'at Tablir, je pense qu'on avait parlé déjà de ça dans les semaines passées, qui ne donne pas beaucoup d'importance au sujet le plus fondamental dans l'islam, qui est l'aqida et le tawhid. Par prétexte que les frères musulmans, c'est un groupe qui a été fondé par Hassan al-Banna en Égypte en 1927 ou 28, et puis qui était de tendance soufiste, avec une aqida ash'ariya, mélangée de différentes formes de bid'a. Ben oui, parce qu'à leur base, c'était un parti politique, avant tout. Et donc, leur da'wa était concentrée sur la politique. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, ils sont concentrés sur la politique. Et comme on a dit, c'est plutôt, ils se concentrent plus sur le nombre d'adeptes, de personnes, que sur la qualité de ce qu'ils appellent. Et rarement on va assister à des conférences qu'ils organisent où on va voir qu'ils traitent des principes de la croyance fondamentale, c'est-à-dire de tawhid, explication des bases, explication du shirk et tout ça. Ils évitent de parler de ça parce qu'ils ont l'impression que ça va diviser les musulmans. Et on a parlé tout à l'heure de différentes choses. Et donc ça c'est juste, mais peut-être un bonjour Inch'Allah, on aura la chance d'expliquer peut-être en détail c'est quoi les choses qui sont contradictoires avec l'islam dans la méthode des Ikhwan Muslimin. Et lorsqu'on va comprendre ça, déjà si on sait que le fondateur était un soufi et qu'il avait une aqida qui était ash'ariya, et que son mouvement est basé sur un parti politique démocratique. Donc, juste ça, seulement ça nous éclaircit beaucoup sur tout le reste. Al-Qardawi, il était parmi un de leurs membres, un de leurs chefs, je pense. Et même si, malgré qu'il n'est plus parmi eux maintenant, il est avec eux, sauf qu'il est toujours, il y a toujours presque la même ligne de pensée. Et puis il les supporte presque tout le temps. Et pour eux, en fait, c'est même une de leurs références principales, parce que chaque fois qu'ils veulent contredire la sunna ou faire quelque chose contraire à l'islam, ils vont toujours essayer de prendre comme référence les fatales de Yusuf al-Qardawi pour essayer de se justifier. Il est vivant, il vit au Qatar. Et puis, c'est ça. Il est égyptien, oui. Donc c'est ça. En tout cas, on va continuer le dars, Inch'Allah, puis on aura d'autres occasions d'en parler, Inch'Allah. Après, on était rendu, oui c'est ça. Après le cheikh il dit, وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ عَنْ أَقْوَامٍ أَنْكَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَنَسَبُوا مَا حَصَلُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ وَالنِّعْمَةِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ إما إلى كونهم يستحقونها أو إلى خبرتهم ومعرفتهم ومهاراتهم. قال الله تعالى عن الإنسان: ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فقوله هذا لي أي حصلت عليه أو حصلت على هذا بعلمي وأنا محقوق به، لا أنه تفضل من الله ونعمة ليس بحول العبد، ليس بحول العبد ولا بقوته. Donc le chef ici il explique aussi que Allah a mentionné dans son livre à propos de plusieurs personnes, il a parlé au sujet de beaucoup de gens qui ont renié la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont attribué ce qu'ils ont reçu de biens matériels, par exemple de l'argent ou des richesses ou de miséricorde en général à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Soit en disant qu'ils le méritaient, et parce qu'ils le méritaient, hein, ces choses-là leur sont arrivées, ou bien parce qu'ils ont dit que c'est parce qu'ils ont un certain savoir-faire ou une certaine connaissance, et qu'à cause de ces connaissances et de ce savoir-faire, ils l'ont acquis, et que c'est pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils l'ont eu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans un verset au sujet de l'homme en général, yani de l'être humain. Il dit, et si nous lui faisons goûter une de nos miséricordes, alors après qu'un mal l'ait touché, il dira, voici cette chose-là est à moi. Cette chose-là est à moi. Et je ne crois pas que l'heure du jugement va venir. Mais si elle vient, et si je retourne à mon Seigneur, je vais trouver auprès de lui une grande récompense ou quelque chose de bien. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et on va l'informer, on va informer les gens qui ont mécru ou qui ont renié nos miséricordes de ce qu'ils ont fait, et on va leur faire goûter un châtiment qui est très dur ou très sévère. Donc, le chef il dit après, dans ce verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de ces gens-là qui nient la miséricorde, Hazali, ça veut dire ça, c'est à moi, ça m'appartient, le chef il dit, que ça signifie, je l'ai acquéri à cause de ma connaissance, à cause de mon savoir. C'est à cause de moi que je l'ai eu. Et donc, il essaie de dire que c'est pas une miséricorde qu'il doit remercier, que c'est Allah qui lui a donné, mais que ça vient de lui-même, à cause de son intelligence, il l'a reçu, ou à cause qu'il le mérite. Et après, donc, à cause de ça, c'est comme si, il renie la miséricorde d'Allah. Après le chef il dit, وقال تعالى عن قارون الذي آتاه الله الكنوز العظيمة فبغى على قومه وقد عظمه الناصحون وأمروه بالاعتراف بنعمة الله والقيام بشكرها فكابر عند ذلك وقال إنما أوتيته على علم عندي، أي حصلت على هذه الكنوز بسبب حظي ومعرفتي بوجوه المكاسب لا أنها تفضل من الله تعالى، فكانت عاقبته أن من أسوأ العواقب وعاقبته من أشد العقوبات، حيث خسف الله به وبداره الأرض لما جحد نعمة الله ونسبها إلى غيره وأنه حصل عليها بحوله وقوته. Donc le chef il mentionne après l'histoire de Qarun, hein, celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné des richesses énormes et des trésors, mais il a transgressé et il est sorti devant son peuple avec beaucoup de fierté d'avoir cette richesse, et les gens qui avaient compris la foi lui avaient donné le conseil. Il lui avait dit de reconnaître les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être reconnaissant, yani de faire les actions qui prouvent qu'il est reconnaissant, c'est-à-dire de remercier Allah et de l'adorer. Mais il a été orgueilleux et il a dit, cette richesse que j'ai reçue, je l'ai uniquement reçue à cause d'une connaissance que j'ai, à cause de ma connaissance. C'est comme ça que je l'ai acquérie. Donc, après, le cheikh, il explique, il dit qu'est-ce que ça signifie, c'est-à-dire, j'ai reçu tous ces trésors à cause de mon habileté et à cause de ma connaissance de l'économie ou de comment acquérir des biens matériels ou des richesses. Et ce n'est pas un vient, ou quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, sa punition fut parmi les plus dures punitions, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la terre avale lui et sa maison. Il a été englouti par la terre, dans la terre, lui et sa maison, pour avoir rejeté ou refusé de reconnaître les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour les avoir attribuées à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'avoir cru que ces choses-là lui venaient à cause de sa propre force et à cause de ses propres efforts et non à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Qaroun, il était un des, parmi le peuple de Pharaon, parmi le peuple de Pharaon. Donc c'est ça. Et puis il était riche, il avait beaucoup de richesses. Et puis même encore aujourd'hui, peut-être qu'il existe beaucoup de gens qui sont riches et qui vont dire, ah mais tout ce que j'ai, c'est à cause de mes efforts, à cause de mon travail, c'est quelque chose que j'ai, oui, à la sueur de mon front. Et puis donc il va même pas penser une seconde à dire, Alhamdulillah, oui, c'est un bien d'Allah, tout ce que j'ai, ça me vient de Dieu. Et donc, il y a une de se prosterner, puis de donner en aux pauvres et tout. Hein. Donc ça, c'est une grave erreur de la part des gens qui font cette erreur-là de renier les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le chef, il dit, وَمَا أَحْرَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اغْتَرُوا فِي زَمَانِنَا بِمَا تَوَصَّلُوا إِلَيْهِ مِنْ مُخْتَرَعَاتٍ وَقَدُرَاتٍ أقدرهم الله عليها امتحانا لهم فلم يشكروا نعمة الله وصاروا يتشذقون ويتفاخرون بحولهم وقوتهم وبغوا في الأرض بغير الحق وتطاولوا على عباد الله ما أحراهم بالعقوبة. Donc le cheikh il commente le passage et il dit, et même parmi, il y a beaucoup de gens parmi les gens de notre époque qui ont été trompés à cause de ce qu'ils ont eu de richesse ou de bien dans ce monde, à cause des compétences ou des habiletés que Allah leur a données. Et Allah leur a donné ces compétences-là uniquement pour les tester. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donne à l'un d'entre nous une miséricorde ou une habilité, ou un don, ou un talent, alors c'est pour nous tester avec. Hein. Il y a certaines personnes qui vont dire, ah, c'est un don que j'ai, et puis je l'utilise, et puis tout ce que j'ai, c'est à cause de ce don, mais il oublie de dire que ça vient d'Allah, et que c'est Allah qui doit être remercié. Et qu'est-ce qui m'a le plus surpris parmi les exemples de ces choses-là? C'est qu'est-ce qu'on en fait tout le temps, parce que je me souviens même avant, quand j'étais plus jeune, et puis même encore aujourd'hui, ça continue. Quand il y a par exemple une remise de trophées ou de prix pour des gens qui sont des chanteurs ou des acteurs, chaque fois qu'ils vont recevoir leur trophée, ils vont toujours dire en premier, certains d'entre eux disent, « I'd like to thank God, je voudrais remercier Dieu », d'accord? Malgré que ce qu'ils font, c'est haram. Ils chantent, ils font des choses haram. Mais malgré tout, ils remercient Dieu pour les choses qu'ils font de haram. Hein? Alors, mais étant donné qu'ils sont des mécréants, qu'ils sont ignorants, ils ne connaissent pas, alors ils pensent que c'est un bien, et qu'ils pensent que ce qu'ils font, c'est quelque chose de bien. Mais ça, c'est juste pour nous faire comprendre que, le fait qu'Allah leur a donné un don, ou une facilité d'avoir une belle voix, ou de, ou par exemple d'avoir une capacité de faire, de jouer des rôles dans les cinémas, des choses comme ça, qui ne sont pas en fait des qualités, des choses qui sont bien, mais des choses qui sont, le contraire, il y en a que c'est des choses qui sont interdites dans les cinémas, mais c'est quand même pour eux un test, qu'ils ont. Donc si quelqu'un, par exemple, Allah lui a donné une belle voix, qu'il l'utilise dans ce qui est halal, qu'il l'utilise dans ce qui est bien, si cette personne l'utilise dans le haram, alors elle devient, et ça devient pour lui une cause de son châtiment. une cause de son égarement, au lieu d'être pour lui quelque chose de bien, quelque chose de miséricorde. Exactement. Et donc, il pense que parce qu'il a une belle voix, il est obligé de chanter. Et qu'il pense que s'il chante ça, il n'a pas remercié Dieu, alors que c'est le contraire. Et c'est comme par exemple, si une femme est très belle, elle va dire Dieu m'a donné une beauté, alors je dois l'utiliser, puis elle devient mannequin. Et là, elle exhibe sa beauté devant tout le monde. Et ça, c'est plutôt le contraire. Au lieu de devenir un bien pour elle, c'est-à-dire qu'elle se marie et qu'elle plaise à son mari, et que son mari puisse se réjouir en la regardant, lorsqu'il est halal, eh bien, elle l'utilise et ça devient pour elle la cause de sa perte. Parce qu'elle l'utilise dans le haram. Hein. Donc ça peut être la même chose dans beaucoup de cas. C'est juste pour mentionner un point en passant. Et puis on continue après qu'est-ce que le chef il dit. Il dit فقد اضطرت قبلهم عاد بقوتها كما قال الله تعالى عنهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Donc, le chef il mentionne un exemple de Ad, et il dit que cette tribu Ad, le peuple de Ad, il avait été aussi trompé par sa force, parce que c'était un peuple qui avait une force. Et à cause de ça, ils ont dit, Allah il dit, en ce qui concerne Samoud, ils ont été orgueilleux sur la terre. Et ils ont dit ils ont été orgueilleux sur la terre. Alors qu'ils n'en avaient pas le droit, ils n'avaient pas le droit de, en injuste, d'une façon injuste. Et ils ont dit, qui est plus fort que nous? Qui a une force plus grande que notre force? Et après Allah il dit, n'ont-ils pas vu que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui les a créés, il est plus fort qu'eux? Et il reniait nos signes. فأرسلنا عليهم صرصرا في عليهم ريحا صرصرا وكانوا يجحدون يجحد ça veut dire ça veut pas dire se moquer mais ça veut dire renier ou rejeter ou refuser يستهزئون والاستهزاء يسخرون alors après Allah subhanahu wa ta'ala فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا on a fait envoyer sur eux un vent durant plusieurs jours et c'est un vent fort c'est comme une sorte de tornade ouragan qui est venu et qui leur a fait goûter un châtiment humiliant dans cette vie d'ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il dit, et le châtiment de l'au-delà est encore plus humiliant. Hein? Et ils ne seront pas secourus. Après, le chef dit, wa hakum qissatan qassaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an jama'atin mimman kana qablana ibtalahum Allah fa'an'ama alayhim فمنهم من جحد نعمة الله ونسب ما حصل عليه من المال إلى وراثته عن آبائه فسخط الله عليه ومنهم من اعترف بفضل الله وشكر نعمة الله فرضي الله عنه. Donc le chef maintenant il va mentionner ou va citer une histoire qui est arrivée parmi les peuples. C'est une histoire qui a été mentionnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ses sahaba. Et c'est une histoire qui concerne des gens qui étaient avant nous, c'est-à-dire avant les musulmans, c'est-à-dire parmi les peuples de Bani Israël. Et cette histoire, c'est une histoire qui concerne des gens qui ont été testés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi eux, et il y en a qui ont reçu une miséricorde et qui l'ont reniée, et qui ont attribué cette miséricorde à leurs héritiers, en disant « nous l'avons hérité de nos parents ». Et d'autres parmi eux ont reçu une miséricorde et ils ont été reconnaissants et ils ont remercié Allah. Donc ceux qui ont renié la miséricorde d'Allah, Allah était en colère contre eux. Et ceux qui ont reconnu la miséricorde d'Allah, alors Allah a été satisfait d'eux. Et là, le cheikh il mentionne le hadith. Il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص أقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. Donc il dit, le cheikh, il y a trois hommes parmi les gens de Bani Israël, parmi les enfants d'Israël. Un qui était libre, un lépreux. Un qui était chauve et un autre qui était aveugle. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les tester. Alors il leur a envoyé un ange. Alors le hadith après ça continue, ça dit. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به فقال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء قال بارك الله لك فيها. Donc la première personne que l'ange est allé voir, c'était le lépreux, et il lui a demandé: quelle est la chose la plus, quelle chose aimerais-tu avoir le plus, ou qu'est-ce que tu aimerais avoir? Alors le lépreux a dit: j'aimerais avoir une belle couleur ou une belle peau, et j'aimerais que j'aimerais que cette maladie s'en aille de moi, pour que ce que les gens m'ont rejeté à cause de ça. Alors je voudrais que Allah le fasse partir. Après, il dit, l'ange là a passé sa main sur lui, et tous les saletés ou les peaux, sa mauvaise peau est partie. Et puis il a reçu une belle peau et une belle couleur. Et après, l'ange a demandé: quelle richesse ou quel bien préférais-tu ou aimerais-tu avoir? Et il lui a dit un chameau ou bien une vache. Le narrateur a eu un doute, alors il a dit soit une vache ou un chameau. Alors il a reçu une chamelle qui était enceinte, qui allait accoucher, donc elle portait en elle un bébé, alors ça veut dire qu'elle allait avoir des enfants, donc c'est une sorte de chameau qui est très cher, parce qu'elle porte, en plus elle coûte cher elle-même, en plus elle a un bébé, alors c'est une grande richesse d'avoir cet animal. Et aussi elle a du lait aussi, ça, c'est vrai. Et mashallah. Après, l'ange a dit: barakallahu laka fiha. Donc il dit que Allah te bénisse dans cette chamelle. Alors après, l'ange il continue. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن يذهب عني الذي قد قذر الناس به فمسحه فذهب عنه فعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. Donc la deuxième personne, c'était la personne qui était chauve. L'ange est venu le voir et lui a demandé qu'est-ce qu'il voudrait avoir. Et la personne a dit: je voudrais avoir des beaux cheveux. Et ainsi que ce que j'ai de calvitie, comme on dit en français, la calvitie. Ok. C'est chaud. أنها أقرأ في الشغل. Ok, oui, c'est ça. Donc, lui, il avait ça, il avait plus de cheveux, alors il voulait que Allah lui remette ses cheveux. Alors, il a dit, je voudrais avoir de beaux cheveux. Alors, il lui a frotté sa tête et après, il a eu de beaux cheveux. Alors, l'ange lui a demandé, quel est le bien que tu préférerais avoir, la richesse que tu aimerais avoir? Et il a dit une vache ou un chameau, mais donc il y avait un doute à ce sujet-là. Donc, l'ange lui a donné une vache enceinte, la même chose que l'autre, une chamelle enceinte, mais il a eu une vache qui portait un bébé, une vache enceinte. Un beau, ouais. Avec du lait. Non. Alors, alaykoum salam. Après, l'ange a dit que Allah te bénisse dans cette vache. Après, il est allé voir l'ange. Il est allé voir l'aveugle. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Donc après, l'ange est allé voir l'aveugle et lui a dit, qu'est-ce que tu voudrais avoir? Et il a dit, je voudrais que Allah me rende ma vue. Hein? Et donc, l'ange l'a touché et Allah lui a remis sa vision. Alors, il lui a demandé, et quelle richesse préférerais-tu ou voudrais-tu avoir? Et il lui a dit, je voudrais avoir une chèvre. Hein? Alors, il lui a donné une chèvre qui était aussi enceinte. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ils ont tous eu des petits, hein. Tous ceux qui ont reçu des animaux, les trois ont eu des bébés, ça s'est multiplié. Et donc, il est dit dans le hadith que le premier, il a eu une vallée de chameaux. Le deuxième a eu une vallée de vaches, et le troisième, une vallée de chèvres. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont multipliés, ils sont devenus riches. Hein. Après, le hadith continue, puis ça dit, ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري قال الحقوق كثيرة قال فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. Donc le premier, l'ange lui est venu dans une autre apparence et il lui a dit, je suis un homme pauvre et j'ai perdu ma monture et je suis en voyage et donc je ne peux pas arriver à ma destination aujourd'hui excepté par Allah subhanahu wa ta'ala puis par toi. Donc je te demande par celui qui t'a donné une belle couleur et une belle peau et beaucoup de richesses en chameau, de m'en donner un pour me permettre de poursuivre mon voyage. Alors, la personne a dit, tu sais, il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à veiller, et puis je peux pas te donner rien. Alors, l'ange a dit, Je crois que je te connais. Est-ce que c'était pas toi qui étais le preux avant, que les gens te répugnaient, et que tu étais pauvre, et Allah subhanahu wa ta'ala t'a enrichi? Alors, il a dit, tout ce que j'ai, je l'ai hérité de mes parents. Alors, il a dit, si tu mens, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, si ce que tu dis n'est pas vrai, alors que Allah te remette comme tu étais avant. Après, il est allé voir la personne qui était chauve. فأتى الأقرأ في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. OK, donc le deuxième est arrivé la même chose. L'ange est allé le voir, il lui a demandé, il a refusé et il a dit je l'ai hérité de mes parents. Donc il lui a dit si tu mens, que Allah te remette comme tu étais avant. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, il est allé voir le troisième, l'aveugle. Qala wa ata al-a'ma fi suratihi. Faqala rajulun miskinun wa ibn sabil qad inqata'at bi al-hibal fi safari. Fala balagha al-yawma illa billahi thumma bik. As'aluka billadhi radda 'alayka basarak wa shatan ataballahu biha fi safari. Faqala kuntu a'ma. فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك رواه البخاري ومسلم. Donc il est allé voir l'aveugle et il avait une image d'un homme. Et il est allé voir, l'ange est allé voir l'aveugle et lui a dit, je suis un homme pauvre, en voyage, et je n'ai plus de moyens. Alors, je te demande de m'aider aujourd'hui. Hein? Et puis, je te demande par celui qui t'a remis ta vue et qui t'a donné en richesse tes chèvres de m'aider dans mon voyage. Alors, l'homme aveugle a dit, moi j'étais aveugle. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a remis ma vie. Alors prends ce que tu veux. Par Allah subhanahu wa ta'ala, je ne vais pas te refuser aujourd'hui ce que j'ai pris pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'ange a dit, garde ta richesse, garde ce qui t'appartient. Parce que vous avez tous les trois été testés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait de toi et il a été en colère contre tes deux compagnons. Donc, c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et ça nous montre l'attitude des gens qui sont reconnaissants pour la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'attitude des gens qui sont pas reconnaissants envers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et leur attitude. Et yani, le cheikh il dit après, « وهذا حديث عظيم فيه معتبر فإن الأولين جحدا نعمة الله ولم ينسباها إليه ومنع حق الله في مالهما فحل عليهما سخط الله وسلبت منهما النعمة والآخر اعترف بنعمة الله ونسبها إليه وأدى حق الله عليه وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله ووفر الله ماله لقيامه بشكر النعمة. Donc le chef il explique, il dit ça c'est un hadith qui nous fait beaucoup réfléchir et il y a beaucoup de leçons dans ce hadith. Et les deux premiers qui ont rejeté la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne l'ont pas attribué à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il leur a enlevé la richesse qu'ils avaient et il a été en colère contre eux et leur bienfait leur a été enlevé. Et l'autre qui a reconnu la miséricorde d'Allah, et bien Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait de lui parce qu'il a reconnu le mérite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va terminer juste le chapitre et puis après inshallah on va recommencer la semaine prochaine inshallah. Après le chef il mentionne une citation de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, il dit أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام الله أو بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها, ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا, ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر النعمة والمنعم عليه بها فقد كفرها, ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكره أيضا, ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محبته وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. انتهى كلامه رحمه الله. Donc là le cheikh il explique les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim le cite et il explique en fait, je vais vous dire en fait qu'est-ce que le cheikh il veut dire, comme ça après ça va être plus facile à comprendre. C'est que qu'est-ce qu'il veut dire, c'est que la personne qui a réellement remercié Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il ait rempli certaines conditions pour dire qu'il a réellement remercié les miséricordes d'Allah. Il faut qu'il ait la connaissance, il faut qu'il ait la connaissance de qui est-ce qu'il a, qui lui a donné cette miséricorde dans son cœur. Et il faut qu'il agisse selon cette connaissance. C'est-à-dire, s'il sait que c'est Allah qui lui a donné, eh bien, il doit remercier Allah avec sa langue et aussi remercier Allah dans ses actions, dans ses œuvres, hein. Donc, la façon de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas uniquement de dire avec notre bouche, que tu remercies Allah, ou de dire Alhamdulillah, mais c'est aussi en agissant en accord avec les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Donc, par exemple, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait dans la nuit en train de prier, jusqu'à ce que ses pieds craquent, hein. Alors, il devenait rouge et enflé, et puis il craquait. Alors, Aïcha radiallahu anha, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, pourquoi tu restes prier toutes les nuits comme ça, toute la nuit, debout, en train de prier, et tu restes comme ça longtemps, jusqu'à ce que tes pieds craquent. Alors que Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a pardonné tes péchés passés et à venir. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, afala akunu abdan shakura, est-ce que je ne vais pas être un serviteur reconnaissant? Et une des façons d'être reconnaissant, c'est en adorant Allah sallallahu alayhi wa ta'ala. D'accord? Donc, na'am. Donc, yani, shukur yani, c'est avec le cœur et avec les actions aussi. Et avec la parole. Et, yani, après, il faut que l'action suive, soit en accord avec cette connaissance. Et il faut, yani, aimer celui qui nous a donné cette miséricorde et ce bienfait. Donc, il explique et il donne les exemples que celui qui a la connaissance, ou celui qui connaît, par exemple, il dit, la base du remerciement, c'est de reconnaître celui qui t'a donné la miséricorde ou le bien. Ah, là, on va commencer la prière. On peut...